بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur dit, رحمه الله, باب نواقض الوضوء. Le chapitre concernant les annulatoires des ablutions. Il nous parle donc maintenant, après avoir décrit les ablutions de manière entière, de ce qui les annule. Et donc une fois que l'auteur, رحمه الله, a décrit les ablutions de manière entière, il a donc trouvé pertinent de nous citer qu'est-ce qui peut annuler ces ablutions-là. Il dit donc, Babou, on avait expliqué l'expression Bab, qu'est-ce que cela voulait dire dans la langue et dans le sens législatif. Nawaqid. Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid avec un Dad à la fin, ou bien Naqidah, qui est un féminin. Et le naqid dans la langue arabe, c'est pris du naqd, qui dans la langue arabe veut dire la destruction, al-hadm, ou bien le fait d'ouvrir quelque chose après qu'elle ait été fermée, c'est-à-dire le hal, al-hal. Donc, al-naqdu dans la langue arabe, c'est al-hadmu, la destruction, ou bien al-halu, qui est l'ouverture. Et le naqd, yakunu hissiyan wa ma'nawiyan, le naqd, il peut être matériel ou bien immatériel, notionnel. Matériel, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, verset 92, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne soyez pas comme celle qui a ouvert غَزْلَهَا, le غَزْل, c'est le fait d'avoir tressé de la laine. Ne soyez pas comme celle qui a ouvert, donc ce qu'elle a tressé comme laine, مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ, après l'avoir donc tressé, أَنْكَاثَ, c'est-à-dire en trahissant vos serments. Allah subhanahu wa ta'ala donc a mis en garde les croyants contre le fait de trahir donc leurs serments, leurs promesses, et il les a mis en garde contre le fait de ressembler donc à une femme qui tressait de la laine et qui ensuite l'a ouvré cette laine qu'elle avait elle-même tressée auparavant. Et il est dit dans certains tafsir que cette femme-là était une femme de la Mecque, qui était une femme qui était folle et qui faisait cet acte-là. Donc ça, ce naqd-là qui a lieu dans ce verset, verset 92 de Surat An-Nahl, c'est donc un naqd d'une ouverture qui est matérielle. Et un naqd immatériel, notionnel, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans Surat Al-Baqarah en disant « Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi » verset 27. Ceux donc qui trahissent « ahdallah » le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala « min ba'di mithaqihi » après l'avoir donc conclu. Donc ça c'est un naqd qui est ma'nawi, qui est notionnel et non pas matériel. Et donc dans le shara, dans la législation, qu'est-ce qu'on veut dire par nawaqid al-wudu? C'est le mubtilat, c'est les annulatoires, al-mufsidat. C'est ce qui va annuler les ablutions, ce qui va enlever à la personne sa qualité selon laquelle il est pur. Donc ces nawaqid, elles sont de deux catégories. Nawaqid al-wudu, elles sont de deux catégories. Ce qui est un hadith en soi-même, ce qui est un hadith, on avait expliqué ce qu'est un hadith. Un hadith, c'est une impureté notionnelle. Donc ce qui est un hadith en soi-même comme al-ra'it, donc la défécation, al-ba'ul, l'urine ou autre chose. Et ce qui est madhinnatul hadith, et ce qui est donc une cause où il est très probable qu'un hadith apparaisse. Et la sharia l'a donc mis en lien l'annulation des ablutions avec ces situations-là, comme le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas un hadith en soi-même. Ce n'est pas un hadith en soi-même. Mais c'est ce qu'on appelle madhinnatu al-hadith. C'est une situation lors de laquelle il est très probable qu'un hadith ait lieu. Une sortie des deux voies. Et donc, la sharia a mis donc en place l'annulation des ablutions en lien avec certaines notions, donc comme le sommeil, qui ne sont pas un hadith en eux-mêmes, mais madhinnatul hadith. Et parmi ces annulatoires que l'on va voir, il y en a certains qui sont donc consensuels, tous les savants sont d'accord sur le fait qu'ils sont annulatoires des ablutions et d'autres qui sont sujets de divergence. Il dit, rahimahullah, babu nawaqid al-wudu, wa hiya sab'a, et elles sont au nombre de sept. Donc selon l'avis d'Ibn Qudamah rahmatullah alayhi, ici dans son texte Al-Umda, elles sont au nombre de sept. Et ce nombre-là, il diverge selon les madhhab. Il diverge selon les madhhab. Et même dans le madhhab Hanbali, parfois ce n'est pas le nombre de sept qui est cité, mais ce sont d'autres nombres. Allah a'lam, dans ce texte-là, il est cité qu'ils sont sept. Donc il a cité sept, puis ensuite il va donc les détailler. Et ça, c'est une tariqa, c'est une forme donc d'enseignement qui est utilisée par les savants. Al-ijmal qabla tafsir. Donc de citer quelque chose de manière globale avant de la détailler. Il a dit sept, puis ensuite il va détailler un à un ces annulatoires. Quel est l'intérêt de cette méthode-là? C'est de motiver l'élève, celui qui écoute. Car lorsqu'il entend sept, et qu'ensuite le détail va lui être donné, un, puis deux, puis trois, puis quatre, son âme aspire à écouter donc les annulatoires qui vont arriver, les notions qui vont être citées. Alors que si elles sont citées tout de suite, sans qu'un chiffre ait été donné précédemment, l'âme aspire moins à écouter les notions, car elle ne sait pas où est-ce qu'elle va. Elle ne sait pas où se trouve la fin du discours prononcé. Alors que quand un nombre est donné, ici en l'occurrence 7, au bout de 2, 3, 4 annulatoires, la personne sait est-ce qu'elle est proche ou non de la fin donc du chapitre. Et ça, c'est une méthode utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit « Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adaraka mal-qari'ah, yawma yakounu nnesu kal-farash il-mabsout » Allah cite Al-qari'ah une fois, deux fois, trois fois, puis ensuite, il détaille qu'est-ce que Al-qari'ah, Al-haqatu mal-haqah, et de même, ensuite, il cite qu'est-ce que Al-haqah. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux endroits du Qur'an, cite des choses de manière globale avant de les détailler. Il dit rahmatullah alayh. Donc le premier, al-kharijou min as-sabilayn, al-kharijou min as-sabilayn, le sortant des deux voies. Le sortant des deux voies. As-sabilayn, les deux voies, makharajul bawli wal gha'it. Donc c'est les sorties qui se trouvent devant et derrière l'anus et la sortie qui se trouve donc au vagin, au niveau du vagin de la femme ou bien au niveau du pénis de l'homme. C'est ce qu'on appelle as-sabilayn, as-sabilayn. Il dit al-kharijou min as-sabilayn, la sortie ou bien le sortant des deux voies. Al-kharij, il a dit al-kharij, le sortant. Ça, c'est une expression donc générale qui englobe tout type de sortant. Donc que ce soit un sortant qui est impur, najis, comme l'urine ou bien comme l'excrément, ou bien qu'il soit tahir, qu'il soit pur, comme ar-rih, comme le gaz, qu'il soit nadir, exceptionnel, comme ad-doud, comme le verre, ou bien le hassa, le caillou, ou mu'tad, donc qu'il soit habituel, donc le contraire d'exceptionnel, que c'est quelque chose qui sort habituellement, comme al-bawl, comme l'urine par exemple, ou bien qu'il soit qalil, qu'il soit en petite quantité, ou bien kathir, qu'il soit en grande quantité. Tous ces sortants-là, ils sont annulatoires des ablutions. On répète, il a dit « al-kharij ». Ça, c'est une expression générale, non spécifiée, qui inclut tout sortant, qu'il soit pur, qu'il soit impur, qu'il soit occasionnel, habituel, qu'il soit en petite quantité ou en grande quantité. Et il y a donc à ce sujet-là un ijma', un consensus rapporté par Ibn al-Mundhir, rahmatullah alayhi, qui dit يدي أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء. Il dit les gens de science sont en accord unanime que la sortie d'un sortant est un hadath qui annule les ablutions, qui annule les ablutions. Donc tout sortant d'une des deux voies, que ce soit de devant ou de derrière, annule les ablutions, qu'il soit pur, impur, en petite quantité, grande quantité, qu'il soit habituel ou occasionnel. Et donc ces sortants-là, soit ils ont un délil qui est spécifique dans le Coran ou la Sunna, ou bien ils sont donc c'est par l'ijma qui a été cité précédemment qu'on leur donne le statut d'annulatoire des ablutions. Donc les sortants sont nombreux, on va donner les principaux avec les preuves, inshallah. comme quoi ce sont des annulatoires, des ablutions. Le premier, al-ra'it, donc l'excrément qui sort donc par l'anus derrière. Donc c'est un annulatoire selon le Coran, la Sunna et l'ijma' et le consensus des savants. La preuve du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Ma'ida verset 6: "Auja ahadun minkum min al-ra'it." Ou bien que l'un d'entre vous revient du ra'it, ou bien que l'un d'entre vous revient du ra'it. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité certains annulatoires dans sourate al-Ma'ida et il a cité le fait de revenir du ra'it comme étant un annulatoire des ablutions. Qu'est-ce que al-ra'it? Dans la langue arabe, à la base, c'est al-makan ou al-munkhafid. C'est l'endroit donc qui se trouve, qui est bas, un endroit qui est bas. Donc c'est parce que les gens creusaient un trou et se mettaient dedans pour pouvoir faire donc leurs besoins. Et ce nom-là, ce mot, ce terme-là a été emprunté et a été donné donc à l'acte qui est le fait donc de déféquer. Il dit Aouja ahadum minkum min al-ra'it. Et ce verset-là, donc selon tous les savants, c'est une preuve montrant que al-ra'it est un annulatoire des ablutions. Dans la sunna, le hadith de Safwan concernant les khoufs, on l'avait vu auparavant, où Safwan radiallahu anhu avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait ordonné donc d'enlever nos khoufs en état de janaba. Et il a dit lakin, mais min ra'it, pas à cause du ra'it, donc de la défécation, wa baoul et de l'urine, wa naoum et du sommeil. Donc ces trois notions qui avaient été citées dans le hadith de Safwan radiallahu anhu sont aussi des annulatoires des ablutions. Il a dit donc lakin min ra'it, mais pas en raison du ra'it, donc de la défécation des excréments. Ça c'est une preuve de la sunna. Et dans il y a l'ijma', il y a consensus des savants selon comme quoi al-ra'it, donc l'excrément, annule les ablutions. Le deuxième sortant, al-baw, l'urine. Quelle est la preuve? Le hadith de Safwan. Le hadith de Safwan radiyallahu anhu, lakin min ra'itin wa baoul, mais pas en raison du ra'it, donc de la défécation, wa baoul et de l'urine. Donc ça c'est une preuve aussi que l'urine annule les ablutions. Et les savants ne s'appuient pas sur le verset auja ahadum minkum min al-ra'it, ou bien que l'un d'entre vous revient du ra'it. Alors que le ra'it, on a dit à la base dans la langue arabe, c'est l'endroit donc qui se trouve, qui est bas. C'est un endroit creusé dans lequel on fait nos besoins. Et faire ses besoins, ça inclut le fait de déféquer et d'uriner. Mais les savants n'ont pourtant pas utilisé ce verset-là pour y inclure l'urine. Ils l'utilisent simplement pour la défécation. Donc la preuve indiquant que l'urine est un annulatoire des ablutions, c'est le hadith de Safwan radiyallahu anhu. Un autre sortant, al-rih. Donc al-ra'it, c'est najis, c'est impur, selon le consensus des savants. Al-baul aussi, l'urine, c'est impur, donc l'excrément est impur, l'urine est impur aussi. Al-rih, troisième sortant, le gaz, qui est un annulatoire aussi des ablutions, en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on lui a évoqué quelqu'un à qui il semble que quelque chose est sorti, donc de son derrière, lors de la prière. Qu'est-ce qu'a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? La yansarif, qu'il ne sorte pas de sa prière. Hatta yasma'a sawtan aw yajida riha, qu'il ne sorte pas de sa prière jusqu'à ce qu'il entende un son, ou bien qu'il trouve, qu'il sente une odeur. Ou bien qu'il sente une odeur. Donc ça c'est une preuve selon laquelle les gaz sont annulatoires des ablutions. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné de sortir si jamais on entendait un bruit. Donc il y a une preuve qu'il y a eu émission de gaz, ou bien qu'on a entendu, ou bien qu'on a senti une odeur, qui est aussi une preuve qu'il y a eu émission de gaz. Un autre hadith prouvant que les gaz sont annulatoires des ablutions. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a émis un hadith jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Fa qala rajulun min ahli Hadramaut, un homme Donc parmi les habitants de Hadramaut, qui est une région du Yémen, a dit, mal hadath ya Abu Huraira, qu'est-ce que al hadath ô Abu Huraira? Qu'est-ce que al hadath? Faqala fusa'un awdurat. Il a dit, c'est al fusa, donc qui est l'émission de gaz sans bruit, ou awdurat, qui est l'émission de gaz avec bruit, muttafaqun alayh. Un autre sortant, al madhyu, qui est le liquide pré-éjaculatoire. Donc on avait vu ces hadiths-là dans les premiers chapitres, on les répète rapidement. Donc al-madhyu, c'est une matière donc qui est najissa, qui est impure. Alors que le gaz cité précédemment, c'est pur. Le gaz, il est pur. Donc al-madhyu est impur et il implique aussi l'annulation des ablutions. En raison du hadith de Ali radiallahu anhu. Donc il dit que j'étais un homme qui avait de nombreuses émissions de Mehdi, et j'ai envoyé un homme qui est donc Al-Miqdad radiallahu anhu auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour le questionner, car il avait donc éprouvé de la pudeur en raison donc de la position de sa femme qui est Fatima radiallahu anha par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, qui est la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Ali n'a pas osé aller poser cette question au prophète alayhi salatu wassalam, qui était son beau-père, donc le père de son épouse. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam donc à Al-Miqdad? Tawadda warsil dhakarak. Fais tes ablutions et lave donc ton organe, ton pénis. Muttafaqun alayh. Unanimement reconnu authentique. On a aussi Al-Wadiou, qui est donc un liquide qui sort après l'urine, qui est najis aussi, qui est impur. Il prend le statut de l'urine. Donc il sort souvent, qui sort souvent après l'urine. Et il est aussi donc annulatoire des ablutions. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte, donc c'est une parole d'Ibn Abbas et non pas du prophète alayhi salatu wassalam, al-maniyu, le sperme, wal-wadiyu, donc le liquide qui sort après l'urine, wal-madhiyu, et le liquide pré-éjaculatoire. Il dit, amma al-maniyu, quant au sperme, fahuwa alladhi minhu al-ghusl, c'est celui donc qui implique le bain rituel, al-ghusl. Wa amma al-wadiyu wal-madhiyu, et quant au wadiyu et al-madhiyu, le liquide préjaculatoire, faqal irsil dhakarak aw madhakirak wa tawadda wudu'aka lis-salah, lave donc ton pénis et fais tes ablutions comme pour la prière. Rawahu al-Bayhaqi, rapporté par al-Bayhaqi. Et aussi al-Ijma', le consensus est une preuve selon laquelle al-madhiyu et al-wadiyu donc sont annulatoires des ablutions. Ensuite, il y a deux moules istihada, le sang d'istihada, donc d'hémorragie, le sang hémorragique, qui est le sang non pas qui sort donc lors des menstrues, mais qui est un sang qui se différencie de celui des menstrues et qui sort donc aussi des parties intimes de la femme. Donc quelle est la preuve selon laquelle il est annulatoire des ablutions? An Aisha radhiyallahu anha qalat ja'at Fatima bint Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara khabaraha wa qala thumma tawadda'i li kulli salatin wa salli. Rawahu Abu Daoud. Aisha radhiyallahu anha dit que Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallahu anha est venue au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc le hadith est long, et qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, donc ensuite, fais thumma ghtasili, puis fais ton bain rituel, thumma tawadda'i li kulli salah. Donc lorsque al-hayd s'en va, lorsque les menstrues sont terminées, prends ton bain, et ensuite lorsque l'écoulement de sang continue, fais tes ablutions, li kulli salah, pour chaque prière wa salli, et fait ta prière, apportée par Abu Daoud. Donc c'est cette sortie de sang qui a lieu donc en dehors de la période de menstrues, qui n'est pas donc des menstrues, mais qu'on appelle l'istihada, qui est le sang hémorragique. Donc parce qu'il annule les ablutions, la femme donc doit faire ses ablutions à l'entrée de l'heure, et voit ses ablutions donc annulées par cette sortie donc de sang. Mais parce que la sortie de sang est régulière et ne s'arrête pas, il lui est permis donc de faire sa prière avec ces ablutions-là, et elle doit refaire ses ablutions ensuite à l'entrée de l'heure de la prochaine prière. Chose que l'on verra, inshallah, dans le chapitre des menstrues. Mais qu'est-ce qui est tiré de ce hadith-là ? C'est que cette sortie de sang annule les ablutions en raison de la parole du prophète alayhi salatu wa salam, thumma tawadda'i li kulli salah. Puis fais tes ablutions pour chaque prière. Et donc le reste des sortants, hein, on s'appuie sur l'ijma' qui avait été rapporté par Ibn al-Mundhir tout à l'heure. Donc tout sortant, hein, de devant, vagin ou pénis, ou de derrière, anus, est annulatoire des ablutions. Hein, qu'il soit pur, impur, en petite quantité, grande quantité, qu'il soit habituel ou bien exceptionnel. Donc tout ce qui sort, hein, donc parmi ce que l'on a cité, ou bien le caillot aussi, hein, s'il y a une sortie de caillot, le caillot est quelque chose qui est pur à la base. Et la plupart des fuqaha, donc ils ont dit que les matières pures qui sortaient, comme le caillot ou le verre par exemple, elles sont annulatoires parce qu'en réalité, elles ne sortent jamais de manière indépendante. Et elles ont toujours avec elles donc une matière humide qui est une najasa, qui est donc une matière impure se trouvant à l'intérieur du corps. Mais en réalité, on n'a pas de preuve dans le Coran et la Sunna prouvant donc que la matière pure, lorsqu'elle sort de devant ou derrière, elle est annulatoire. Parce que tous ces sortants-là, ils ne sont pas mu'allal. L'annulation des ablutions en raison de la sortie d'excréments, l'annulation des ablutions en raison de la sortie d'urine, l'annulation des ablutions en raison de la sortie de gaz, est-ce que c'est mu'allal, c'est-à-dire il y a une cause qui est donc compréhensible par la raison, ou bien est-ce que c'est parce que le texte implique que l'excrément annule les ablutions et que l'urine annule les ablutions et que la sortie de gaz annule les ablutions, qu'on admet ce statut-là. C'est parce qu'il y a le texte. On n'a pas de cause. Donc le qiyas n'entre pas dans cette porte-là. On ne peut pas faire de raisonnement analogique sur l'excrément, sur l'urine, sur le gaz. Donc la sortie de caillot qui est une matière pure, pourquoi est-ce qu'on va dire qu'elle est annulatoire des ablutions ? Alors, on n'a pas réellement de dalil. Si ce n'est l'ijma' d'Ibn al-Mundhir, rahimahullah. Mais en termes de texte, on n'a pas de preuve disant que s'il y a un verre qui sort de l'anus d'une personne, que ce verre-là, la sortie de ce verre-là, est annulatoire des ablutions. Mais comme le verre ne sort jamais de manière indépendante et qu'il est de manière majoritaire accompagné donc, d'une najasa, d'une matière impure qui est donc soit un peu d'excrément ou bien un peu d'urine s'il sort par devant, alors on statue de l'annulation des ablutions. Et même s'il sort sec, sans être accompagné d'une matière najissa impure, on va quand même dire qu'il y a annulation des ablutions, car la sharia met donc les statuts en relation avec al-ghalib, avec le cas majoritaire et non pas exceptionnel. Et ces choses-là sortent sans être accompagnées d'une matière impure de manière exceptionnelle et non pas de manière majoritaire. Donc celui qui fait une coloscopie par exemple, il va à l'hôpital, il a ses ablutions. Et lui font une coloscopie, lui font entrer une caméra, donc dans le derrière, au niveau de l'anus, et la font ressortir. Il y a annulation des ablutions. Quelqu'un qui se met un suppositoire, ce suppositoire ressort, il y a annulation des ablutions. Et donc tout sortant, de devant ou de derrière. La femme, lorsqu'elle a des sécrétions vaginales et qu'elle sorte, de même, il y a annulation des ablutions. Donc il y a annulation des ablutions dans tous les cas où il y a sortie d'une des deux voies, de devant ou de derrière. Il dit ensuite, rahimahullah, deux, et le sortant impur, donc d'ailleurs que les deux voies, donc d'une autre partie du corps, idha fahush, lorsqu'il est important. Donc là, il est en train de traiter un autre sortant. Dans le premier cas, il a traité le sortant d'une des deux voies. Donc le sortant soit du vagin ou du pénis, donc c'est la partie de devant pour l'homme et la femme, ou la femme, ou bien le sortant de l'anus, qui est la partie qui se trouve derrière. Là, il traite le sortant donc d'ailleurs que les deux voies citées précédemment. Donc un sortant de quel que soit de quelque partie du corps que ce soit. Donc le sortant de l'oreille, le sortant de l'œil, le sortant du nez, le sortant de la bouche, le sortant d'une ouverture, une blessure qui a eu lieu dans le corps. Quelle que soit la partie en dehors des deux voies, quel est le statut de ce sortant-là ? C'est ce que l'on va étudier ici. Donc le sortant, d'ailleurs que les deux voies. Il a donc plusieurs cas. Le premier, « Anyakuna baulen aura etan ». Le premier cas, c'est que ce soit de l'urine ou bien de l'excrément. Le premier cas, c'est que le sortant, ce soit de l'urine ou bien de l'excrément. « Yan qodo mutlaqan ». Donc celui-là, il annule les ablutions de manière totale et absolue, qu'ils soient en petite quantité ou en grande quantité. Quelle est la preuve de cela ? Le hadith de Safwan radiallahu anhu. « Lakin min ra'itin wa baulin wa naum ». Lorsqu'il a cité les annulatoires, il a dit « al ra'it », donc l'excrément, et « al baul l'urine ». Et « al baul l'urine ». Et il n'a pas défini, hein, il n'a pas spécifié que l'excrément ou bien « al baul l'urine » était annulatoire seulement s'il sortait par les voies habituelles. Seulement s'il sortait par les voies habituelles. Donc le fait qu'il ait été cité de manière absolue dans ce hadith-là, sans être donc spécifié, indique que la sortie d'excréments ou bien d'urine est annulatoire, même si elle a lieu en dehors des deux voies habituelles. Donc ça peut arriver pour celui qui a une déviation, par exemple, qui est hospitalisé. Et il a une déviation, donc il va se faire, par exemple, opérer de la prostate et, ou bien de la vessie, et ils lui font une déviation. Avant la vessie, il a un tuyau qui donc évacue l'urine. Cette sortie d'urine-là, qui n'a plus lieu donc, par soit le vagin, soit le pénis, est-ce qu'elle est annulatoire des ablutions ? La réponse est oui. La réponse est oui. Si jamais le liquide sortant a la qualité de l'urine, et qui donc, il peut être qualifié comme étant de l'urine. Si la déviation elle a lieu bien plus haut qu'au-dessus de la vessie, par exemple, et que c'est de l'eau qui sort, il n'y a pas la couleur, l'odeur, le goût de l'urine, ce n'est pas de l'urine, donc là, c'est une sortie d'une matière pure. On va voir quel en est son statut. De même, celui qui a une déviation, par laquelle il y a sortie d'excréments, ça arrive souvent, il y a des poches comme ça, qui sont donc placées, la personne a une ouverture au niveau donc du ventre, et il y a une déviation qui se fait au niveau des intestins. Là de même, cette sortie-là, donc d'excréments, si ce sont des excréments, donc il y a odeur, couleur, goût des excréments, que cette matière peut être qualifiée comme étant des excréments, il y a annulation des ablutions. Et si ce n'est pas le cas, c'est un autre statut. Dans le madhhab, c'est quand même annulatoire, parce que ça aura le statut du vomi. Ça aura le statut du vomi. Et dans le madhhab, tout ce qui atteint le ventre et qui ressort est annulatoire des ablutions. Après, ça entre dans la divergence sur le vomi. Est-ce que le vomi est pur ou impur ? C'est un autre point. Mais dans les quatre madhhab, le vomi est impur. Mais selon l'avis que l'on choisira, donc ce qui ressort donc d'une déviation et qui n'a pas la qualité des excréments n'est pas annulatoire. Même si c'est du vomi. Dans le madhhab, c'est annulatoire. Mais selon l'avis que nous on choisira, ce n'est pas annulatoire. Donc, premier cas, le sortant en dehors des deux voies est soit de l'urine, soit des excréments, il est annulatoire de manière totale absolue, qu'il sorte en petite ou grande quantité. Deuxième cas, le sortant, donc, n'est pas de l'urine ou bien des excréments, mais il est impur. Mais il est impur, comme le sang, par exemple. Comme le sang, par exemple. Donc celui-là, ce sortant qui est impur, il a deux cas. Soit il est en petite quantité, soit il est en grande quantité. S'il est en petite quantité, il n'est pas annulatoire. Dans le madhhab, il n'y a qu'une version. Il n'est pas annulatoire. Si jamais il est en grande quantité, là il est annulatoire dans le madhhab. Dans le madhhab, il est annulatoire. Autre cas, si jamais le sortant maintenant il est pur, le sortant, donc d'un autre endroit que les deux voies, est pur, il n'est pas annulatoire, selon le consensus. Il n'est pas annulatoire des ablutions, qu'il soit en petite quantité ou grande quantité. On reprend les quatre cas. On reprend les quatre cas et nous, on va en avoir que trois. Premier cas, le sortant d'ailleurs que les deux voies. C'est de l'urine ou bien des excréments. Quel est son statut? Quel est son statut? Là, le statut, c'est pas najis ou pur, c'est annulatoire ou pas annulatoire. C'est annulatoire des ablutions. C'est annulatoire des ablutions. Que ça sorte en petite quantité ou grande quantité. Deuxième cas, ce n'est pas de l'urine ou de bien des excréments, mais c'est impur. Mais c'est impur. Dans le madhab, s'il est en petite quantité, il n'est pas annulatoire. Il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. Si jamais il est en grande quantité, dans le madhab, il est annulatoire. Il est annulatoire. Nous, on va voir que ce n'est pas annulatoire, Inch'Allah. Et si jamais il est pur, ça c'est le troisième cas, si jamais il est pur, ce n'est pas annulatoire des ablutions, qu'il sorte en petite ou grande quantité. Bon, sur quoi se sont basés donc les savants du madhab Hanbali pour dire que le sortant impur d'une autre voie que les deux voies est annulatoire des ablutions? Le hadith d'Abu Darda, radiyallahu anhu. Donc, عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ رواه الترمذي. Selon Abu Darda رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a vomi et il a fait ensuite ses ablutions. Donc Abu Darda رضي الله عنه dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions. فتوضأ. C'est pas E-E-T, il a fait ses ablutions. Puis il a fait ses ablutions, mais puis dans le sens de causalité. Fa'a, c'est un fait sababiyya, ça. C'est un fait de causalité. Parce qu'il a vomi, il a donc fait ses ablutions. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc ce hadith, selon donc les savants aient adopté cet avis-là, selon lequel un sortant najis impur d'une autre voie que les deux voies annule les ablutions, ce hadith-là, il indique pour eux que le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait ses ablutions en raison du fait qu'il a vomi. En raison du fait qu'il a vomi en raison de ce fait-là, qui est fait sababiyya, une fait de causalité. Bon, réponse à ce hadith. La première réponse, c'est qu'il est faible chez la majorité des savants. Deuxième réponse, c'est que même s'il est authentique, ça c'est simplement un acte du prophète alayhi salatu wa salam. Et la base dans l'acte du prophète alayhi salatu wa salam, donc le statut minimal qu'a l'acte du prophète alayhi salatu wa salam, c'est l'istihbab, le caractère recommandé et non pas obligatoire. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, même si effectivement, parce qu'il a vomi, il a fait ses ablutions, le fait que ça soit rapporté par un acte du prophète alayhi salatu wa salam, ça n'indique pas que c'est obligatoire. Ça n'indique pas que le fait de faire ses ablutions après avoir vomi est obligatoire, car l'acte du prophète alayhi salatu wa salam, au minimum, il indique que l'acte est recommandé. Et en plus, dans le hadith, il n'est pas indiqué de manière claire donc que le vomissement est un annulatoire des ablutions. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir comme avis, Inch'Allah? Lorsque le sortant d'une autre voie que les deux voies, vous comprenez quand je dis d'une autre voie que les deux voies, lorsque le sortant d'une autre voie que les deux voies est de l'urine ou de la défécation, il est annulatoire des ablutions de manière totale et absolue, qu'ils soient en petite ou grande quantité. Quelle est la preuve de cela? Donnez-la-moi. Le hadith de Safwan, radiallahu anhu. Donc, il nous a ordonné de ne pas d'enlever nos khoufs en état de janaba, mais pas en raison de la défécation, de l'urine ou bien du sommeil. Donc, il a cité la défécation et l'urine comme étant des annulatoires des ablutions et il n'a pas été spécifié qu'ils étaient annulateurs simplement s'ils sortaient de deux voies et non pas des autres voies. Donc, quel que soit le point de sortie des excréments ou bien des urines, c'est annulateur des ablutions. Si jamais le sortant est pur, il n'est pas annulateur des ablutions, qu'ils soient petites ou grandes quantités. Si jamais le sortant n'est pas des excréments et n'est pas de l'urine non plus, et qu'il est impur, il n'annule pas les ablutions non plus. Quelle est la preuve? Il n'y en a pas, c'est parce que c'est celui qui demande, c'est celui qui dit que c'est annulateur qui doit porter le délit. Car la base c'est la tahara, la base c'est la purification. Donc lorsqu'une personne a son statut de purification, il a ses ablutions, on ne peut les annuler que par un texte, ou bien donc du Coran, de la Sunna, ou bien un ijma à consensus, Donc le sortant impur d'une autre voie que les deux voies n'est pas annulateur des ablutions, qu'il sorte en petite ou grande quantité. Et ça, c'est l'avis du madhab maliki et shafi'i. C'est l'avis du madhab maliki, de l'école malikite, et du madhab shafi'i, de l'école shafi'i. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, 3. Zawalul aqli illa an-nawm al-yasir jalisan aw qa'ima. Il dit, rahmatullah, 3. Zawalul aqli, la perte de connaissance. La perte de connaissance. Donc la perte de connaissance est un annulatoire des ablutions. Selon le consensus, Ibn al-Mundhir, rahmatullah alayhi, dit. Donc Ibn al-Mundhir, il a écrit un livre qui s'appelle Maratib al-Ijma'. Donc il y a un livre dans lequel il y a un recueil d'ijma' de consensus des savants. Il dit, rahimahullah, wa ajma'u ala ijabi at-taharati ala man zala 'aqluhu bi jununin aw ighma'. Il dit, rahmatullah alayh. Donc les savants sont en accord unanime que la purification est obligatoire. Donc il est que la personne est obligée de se purifier. Donc elle a perdu ses ablutions. Que la purification est une obligation pour celui qui a perdu la raison en raison de la folie, bijounoun, ou irma, ou bien par perte de connaissance. Qala an-Nawawi fi sharh sahih Muslim. L'imam an-Nawawi rahmatullah alayhi a dit dans son explication du recueil authentique de Muslim, ittafaqu ala an zawal al-aql bil junun wal irma wal sukr bil khamr ou le nabidi, ou le banji, ou le dawa'i, yanqud al wudu. Il dit, rahimahullah, l'imam Nawawi, et les savants sont en accord que la perte de raison, donc à cause de la folie, bil junun, ou l'irma'i, bien l'évanouissement, ou le sukri, bil khamri, ou bien l'ivresse par le vin, ou le nabid, ou bien la liqueur, donc qui est la macération de certains produits qui fait que la boisson devient enivrante, ou le banji, ou bien à cause de l'anesthésie, ou bien à cause du médicament, annule les ablutions. Donc tous ces cas-là provoquent l'annulation des ablutions, comme il est rapporté dans l'Ijma' d'Ibn al-Mundhir et de l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi. Donc quelqu'un qui subit une anesthésie, il a ses ablutions, il va à l'hôpital, il est anesthésié, pas localement, mais de manière générale, il a perdu ses ablutions. De même, quelqu'un qui s'évanouit, il perd ses ablutions. Et ça, ce n'est pas un hadith en soi-même. Zawal al-aql. Ce n'est pas un hadith en soi-même. Mais c'est madinnatu hadith. C'est donc un cas où il y a pensée prépondérante hein, que le hadith risque de sortir. Et puisqu'il y a donc un cas prépondérant où le hadith risque de sortir, la sharia a mis en lien ce statut-là qui est l'annulation des ablutions. Même si on est sûr qu'il n'y a pas eu sortie de hadith. Même si on est sûr qu'il n'y a pas eu sortie de hadith, il y a annulation des ablutions. Et un naum fait partie de zawal al-aql. Donc le sommeil fait partie donc de la perte de raison. La perte de la raison. Donc le sommeil entre dans zawal al-aql. Mais est-ce que c'est tout sommeil? Est-ce que c'est tout sommeil? Donc l'imam Ibn Qudama, qu'est-ce qu'il a dit? Illa an-nawm al-yasir. Sauf le sommeil, donc al-yasir, donc en petite quantité, jalisan en position assise, aw qa'iman ou bien en position debout. En position debout. Donc an-nawm, le sommeil, il entre dans zawal al-aql et il inclut l'annulation des ablutions, selon l'expression de l'imam Ibn Qudama. Et il a dit quoi ensuite? Illa sauf. Sauf. Est-ce qu'il a dit sauf un naum point? Non, il a dit sauf un naum, sauf le sommeil, al-yassir, donc en petite quantité, c'est-à-dire léger, jalisan en position assise, aw qa'iman en position debout. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Que c'est cette forme de sommeil qui n'est pas annulatoire des ablutions. Sur quoi? Donc se sont appuyés, donc les savants qui ont dit cette parole-là. Donc concernant le fait que celui qui est en position debout et qui dort donc un sommeil léger, il ne peut dormir qu'un sommeil léger en position debout, sauf s'il est tenu attaché ou tenu par d'autres personnes. Mais une fois qu'il est debout, si c'est un sommeil qui n'est pas yassir léger et qui est lourd, il tombera de manière obligatoire. Donc par quelle preuve les savants ont extrait donc celui qui dort de manière légère en position debout. C'est le hadith donc d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète alayhi salatu wa salam, qui dit: Bittu inda khalati Maymouna. J'ai dormi chez ma tante maternelle Maymouna radiyallahu anha. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dit le prophète alayhi salatu wa salam s'est levé, donc prié la nuit. Faqumtu ila janbihi al-aysar. Et je me suis levé à mon tour et je me suis mis à sa gauche. Alors que la sunna, c'est de se mettre à la droite de l'imam lorsqu'on n'est que deux. فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقْهِ الْأَيْمَنِ. Il m'a pris par la main et donc et m'a mis sur son côté droit. Il dit فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَتِ أُذُنِي. Il dit, et lorsque j'étais pris par des moments de sommeil, donc Ibn Abbas, pendant le qiyam, pendant la prière avec le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que parfois j'avais des moments où je m'endormais. Il dit, le prophète alayhi salatu wa salam me tirait par le lobe de mon oreille. Le prophète alayhi salatu wa salam le tirait par le lobe de son oreille. Qala fa salla 11 rak'a. Et il a fait 11 rak'a, le prophète alayhi salatu wa salam. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc qu'est-ce que prouve cela? C'est qu'Ibn Abbas, il a eu des petites périodes de sommeil en position debout. Ça arrive parfois aux gens. Un salat al-fajr ou bien l'isha quand il est tard. La personne est très fatiguée. Et ça arrive que parfois en position debout, on parte un petit moment comme ça. Est-ce que ça, c'est annulatoire des ablutions? Là, selon le madhhab, non. Même selon l'avis que l'on va choisir, non. Ce n'est pas annulatoire des ablutions car c'est en petite quantité. Et parce qu'il n'y a pas perte d'essence selon l'avis que nous allons choisir. Il n'y a pas perte d'essence. Mais ici, l'imam Ibn Qudama, il a extrait ce sommeil-là. Donc du sommeil annulatoire des ablutions, pas parce qu'il n'y a pas perte de sens, mais parce que la personne est en position debout. C'est ce qui est indiqué dans le hadith. Ibn Abbas était en prière. Donc ça, c'est la preuve pour extraire celui qui est en position debout. Pour extraire celui qui est en position assise, c'est le hadith de Anas, radiyallahu anhu, قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود. Le hadith صحيح. Donc Anas, radiyallahu anhu, dit: les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attendaient la prière du Isha. Attendaient la prière du Isha. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam mettait du temps à sortir. Dans une version, il discutait avec un homme. Il y a plusieurs versions de ce hadith-là. Hatta tarfiqa ru'usuhum, jusqu'à ce que leur tête tombait. Donc ils étaient en position assise et leur tête tombait. Ils étaient en train de dormir. Thumma yusallun wa la yatawadda'un. Puis ils priaient et ne faisaient pas leurs ablutions. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et il est authentique. Donc ce hadith-là, il montre que ce sont des personnes qui étaient, radiyallahu anhum, en position assise et qui se sont endormies. Ils ont ensuite prié et n'ont pas fait leurs ablutions. Donc de ce hadith-là est extrait la personne qui dort en position assise. Donc ça, c'est le madhab. Le madhab, c'est que celui qui dort en position assise ou bien debout, il ne doit pas faire ses ablutions. L'avis wal ilmu indallah qui paraît le plus authentique et que l'on va choisir inshallah, c'est que l'on va différencier le sommeil avec lequel il y a perte de sens, on n'entend plus les voix qui nous entourent, si quelqu'un nous appelle on ne l'entend pas, si jamais de la salive dégouline de notre bouche on la sent pas, si on tient un stylo dans la main qu'il tombe on ne sent pas que le stylo est tombé, etc. Lorsqu'il y a perte de sens, ce sommeil-là est annulateur des ablutions. Et lorsque c'est un sommeil qui est léger, donc qui n'est pas profond, et la différenciation entre le léger et le profond, c'est que dans le léger, il y a encore les sens, ce sommeil-là, il n'est pas annulateur des ablutions, Inch'Allah. Quelle est la preuve donc de cette différenciation-là? Donc c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, le hadith de Ali, radiyallahu anhu. Dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit: al-ayn wika'u as-sahi faman nama falyatawadda, rawahu Ahmed wa Abu Daoud wa Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: al-ayn wika'u as-sahi. Al-ayn wika'u as-sahi. L'œil est al-wika du sah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Al-ayn, c'est l'œil. Wika, ça c'est al-khayt alladhi yurbatu bihi al-qirba. C'est la ficelle avec laquelle on fermait les gourdes au temps du prophète alayhi salatu wa sallam. La gourde, elle était fermée donc dans son extrémité par une ficelle. Et ça, c'est al-wika. Et assah, c'est l'anus. Assah, c'est un terme qui indique l'anus. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que l'œil est la ficelle par laquelle on ferme l'anus. فَمَنَّامَ فَلْيَتَوَضَّعَ Celui qui s'endort, qu'il fasse ses ablutions. Le hadith est rapporté par Ahmed Abu Daoud ibn Majah. Qu'est-ce qu'il veut dire ici par Al-Ayn, l'œil? Ici, c'est une kinaya. Donc, c'est un terme utilisé pour montrer l'état d'éveil. Al-Ayn, ici, ce qui est cité par l'œil, c'est le fait d'être en état d'éveil. Le fait d'être en état d'éveil. Donc, celui qui est en éveil sait si quelque chose est sorti de lui ou pas. S'il y a émission de gaz, il le sait. Si quelqu'un qui n'est pas en état d'éveil, il ne sait pas cette chose-là. Et il y a une autre version, un autre hadith qui ressemble à celui-là, qui est le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Al-aynu wika'u sahi ». Donc la première partie est identique au hadith de Ali. L'œil est donc la ficelle par laquelle l'anus est fermé. On a compris la métaphore. « Fa'idha namati al-aynani istatlaqa al-wika'a rawahu Ahmed wa Ad-Darqutni » وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Donc العين وكاء السه. Donc l'œil, c'est-à-dire l'état d'éveil et la ficelle par lequel l'anus est fermé. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est en état d'éveil, elle sait ce qui sort ou pas de son derrière. فإذا نامت العينان. Lorsque les deux yeux s'endorment, استطلق الوكاء, la ficelle est défaite. Le hadith est rapporté par Ahmed Ad-Darqutni et Cheikh Al-Albani l'a qualifié de bon. Donc ce hadith-là, il différencie le sommeil durant lequel donc les sens sont perdus et celui pendant lequel les sens sont encore présents. Lorsque les sens sont encore présents, comment nous on a tiré de ce hadith-là que les sens sont présents ou pas? C'est parce que lorsque tu as encore tes sens présents, de manière générale, l'ouïe, le toucher, quelqu'un qui te touche, tu te réveilles tout de suite. Juste il te touche comme ça, tu le ressens. C'est pas il fait deux, trois fois, hey, « Eh toi, réveille-toi. » Ça rentre pas dans le sommeil léger. Mais quelqu'un juste, il te touche. Ou bien il t'appelle par ton prénom, à quelques centimètres, et tu te réveilles pas. Tu ne réponds pas. Ça, c'est clair, tu es dans un sommeil, donc qui est profond. Il te touche une fois, tu ressens pas ce toucher-là. Toucher que tu aurais ressenti si tu étais en état d'éveil. Ça aussi, c'est un sommeil profond. Tu avais un stylo dans la main, il est tombé. Après, tu ouvres les yeux, tu vois que le stylo n'est plus là. Tu vois que le stylo n'est plus là, tu dois refaire tes ablutions, tu les as perdues. De même, si tu as la salive hein, qui dégouline comme ça de la bouche sur le menton, sur la joue, et tu t'en rends compte qu'après t'être réveillé, de même. De même, ça c'est le plus important, la khutbah jumu'ah, si tu n'entends plus le contenu. Tu ne sais pas ce qu'il a dit l'imam. Là. Tu te réveilles au bout de même de deux secondes. Tu n'entendais plus le contenu, tu dois refaire tes ablutions. Les ablutions ont été perdues. Si jamais tu entendais encore, tu entendais, mais que tu n'écoutais pas, tu ne connais pas le contenu du fait que tu n'écoutais plus, ça c'est autre chose. Mais tu n'entendais plus, il y a eu coupure de son. Tu t'es réveillé avec coupure de son. C'est-à-dire tu récupères en cours de route le discours, tu dois refaire tes ablutions, tu les as perdues. Donc le critère différenciateur entre le sommeil léger et le sommeil profond, c'est le fait qu'il y ait perte ou non de sens. S'il y a perte des sens, il y a sommeil profond, donc annulateur des ablutions. Et s'il n'y a pas perte des sens, il n'y a pas perte des ablutions. Donc nous, on ne regarde pas la position. Même quelqu'un qui est couché hein, et qui somnole de manière très légère. Et deux personnes parlent autour de lui et il les entend parler. Il n'a pas perdu ses ablutions. Ça arrive dans les voitures. Hein, parfois dans la voiture, on s'endort comme ça, pas de manière profonde. Il y avait du Coran qui tournait, on entend toujours le Coran. Le son du Coran ne s'est jamais coupé. Ou bien la discussion qui était à côté de nous. La personne juste nous touche, et juste nous touche à peine, et on sent qu'il nous a touchés. S'il nous appelle une fois, deux fois, trois fois, nous touche deux fois, trois fois, et qu'on ne s'en rend pas compte, les ablutions sont perdues. Il dit ensuite, rahimahullah, وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِي. Et le fait de toucher, donc son pénis avec sa main. Ça aussi, c'est annulatoire, donc des ablutions. Quelle est la preuve de cela? Le hadith principal, c'est le hadith de Bousra, binti Safwan, radiyallahu anha. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, man massa dhakarahu falyatawadda, rawahu al-khamsa, wa sahahu al-tirmidhi, wa ibn Hibban, وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. Donc Bousra bint Safwan, Bousra la fille de Safwan radiallahu anha, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui touche son pénis, qu'il refasse ses ablutions, rapporté par les cinq. Et Tirmidhi l'a authentifié ainsi que Ibn Hibban. Al-Bukhari a dit ceci, donc ce hadith là est ce qu'il y a donc de plus authentique dans cette porte là. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Man massa dhakara, celui qui touche son pénis, falyatawadda, qu'il refasse ses ablutions. Donc le prophète alayhi salatu wasalam a bien cité donc cet acte là qui est le fait de toucher sa partie intime est une cause annulant les ablutions puisqu'il a ordonné de les refaire. Dans un autre hadith, an Amr ibn Shu'ayb an Abi an jaddihi radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. Donc Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, ça c'est un sanad, on l'avait vu dans un hadith précédent, radiyallahu anhu, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: tout homme qui touche son farj, qui touche son farj, le mot farj ici, donc dans la langue arabe, le farj, c'est la partie intime de devant et de derrière. Parce que al-farj, c'est pris de al-forja, qui est l'ouverture. L'ouverture. Et devant et derrière, c'est une ouverture. Donc dans la langue arabe, hein, le pénis et le vagin sont un farj, et l'anus aussi sont un farj. Dans le sens législatif, il y a des divergences. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, lorsqu'il dit farj, il vise simplement le vagin et le pénis, ou bien il vise ces deux organes-là et en plus l'anus, dans le sens législatif? Dans la langue arabe, c'est acceptable. Dans le sens législatif aussi, nous on le prend, incha'Allah. Mais sachez qu'il y a divergence, c'est pour ça que certains disent que le fait de toucher son anus, ça n'entre pas dans le mot farj, donc ce n'est pas annulatoire des ablutions. Donc il dit, alayhi salatu wassalam, tout homme qui touche son farj, qu'il refasse ses ablutions, donc dans le farj on a pour l'homme le pénis et l'anus, wa ayyuma mara'atin massat farjaha, et toute femme qui touche son farj, donc pour la femme on a le vagin et l'anus, fal tatawadda, qu'elle fasse ses ablutions. Rawahu Ahmed, le hadith est rapporté par Ahmed. Et ça, on appelle ça dans l'arabe al-iltaf, le fait que la femme fasse pénétrer sa main dans son vagin. Dans le fiqh, on appelle ça al-iltaf. Ça, c'est cité dans les livres de fiqh. Donc, c'est un terme à connaître. On a un autre hadith. An Abi Hurayrata radiyallahu an. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. من أفضى, donc celui qui atteint. الإفضاء, c'est l'atteinte, c'est le fait d'atteindre quelque chose. Donc ici ça va être le contact. من أفضى بيده, donc celui qui touche avec sa main, إلى ذكره, donc son pénis, ليس دونه ستر, sur lequel il n'y a pas de voile, donc qui entre en contact direct. Ensuite, nous, on va tirer beaucoup de règles des divers hadiths qu'on vient de dire. Donc, celui qui entre en contact avec son pénis, alors qu'il n'y a pas entre sa main et son pénis un voile, une barrière, فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَضُوْ, les ablutions sont pour lui obligatoires, rapportées par Ahmed. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme diverses règles de ces différents hadiths? Donc, la première chose, c'est que اللمس, donc le toucher qui implique l'annulation des ablutions, c'est celui qui a lieu avec la peau de la main, avec la peau. Donc si jamais il y a une barrière, un tissu ou quoi que ce soit entre la main et donc le vagin pour la femme, le pénis pour l'homme ou bien l'anus pour les deux, il n'y a pas annulation des ablutions. Donc quelqu'un qui se gratte par exemple derrière et qui touche son anus à travers, en ayant le sous-vêtement entre les doigts et l'anus, il ne voit pas ses ablutions annulées. Celui qui de même touche ses parties intimes de devant pour l'homme ou la femme, et il y a entre sa main et c'est partie intime. Donc partie intime, j'utilise ça normalement, moi j'utilise ça de temps en temps, vous avez compris, c'est pour pas trop rester sur les termes vagin et pénis, mais partie intime c'est plus large. Donc il ne faut pas comprendre de manière erronée mes expressions. Donc quand je dis partie intime, c'est pénis pour l'homme et vagin pour la femme. Donc si jamais l'homme ou la femme touche leur partie intime à travers le vêtement devant ou derrière, il n'y a pas annulation des ablutions. Donc c'est le contact peau contre peau qui implique l'annulation des ablutions. Ça c'est la première règle. La deuxième, c'est que c'est toutes les parties de la main donc qui lorsqu'elles entrent en contact impliquent l'annulation des ablutions. Et non pas seulement la paume comme l'ont dit certains savants dans certains madhhab. Quelle est la preuve de cela? C'est que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « biyadihi » avec sa main. Et il n'a pas spécifié. Il n'a pas spécifié. Ceux qui ont dit que c'est seulement la paume de la main et pas l'extérieur, ils ont pris la version là, de l'imam Ahmed « men afda » et « al-ifda ». Al-ifda, donc c'est le fait d'entrer en contact avec la main. Ils ont dit que dans le « urf », donc, le « urf », le contact, il ne se fait que par la paume de la main à la base. Quand tu veux repousser quelque chose, quand tu veux attraper quelque chose, quand tu veux toucher quelque chose, tu le fais avec la paume de la main. Donc le hadith visait cela. Mais non, wallahu a'lam, al-ifda, c'est l'atteinte de manière absolue, qu'elle se fasse par le devant de la main, le derrière de la main. Et ça, c'est min mufaradat il-madhab. Ça fait partie des avis spécifiques au madhab Hanbali. L'annulation des abus sont par le contact de la partie externe de la main. Ça, c'est un avis qui appartient seulement au madhab Hanbali, on ne le trouve pas dans un autre madhab, et c'est l'avis Allahu A'lam le plus authentique en raison donc du caractère général de l'expression biyadihi, de par sa main. Donc on répète, le contact avec toute la main implique l'annulation des ablutions. Il faut que le contact ait lieu sans qu'il y ait une barrière entre la main et l'organe. Après, même si ce contact se fait de manière volontaire ou involontaire, il implique l'annulation des ablutions. Qu'il y ait eu plaisir ou non, de même, ce n'est pas une condition, qu'il y ait plaisir. Même s'il n'y a pas eu plaisir, il y a annulation des ablutions. Et qu'est-ce qu'on entend par organe? Donc concernant l'organe de l'homme, les testicules n'entrent pas là-dedans. Les testicules n'entrent pas dedans, c'est simplement le pénis, l'organe connu. Et concernant la femme, c'est qu'il y ait donc pénétration de la main. Quand on veut dire vagin, ce n'est pas ce qui entoure la fente connue, c'est qu'il y ait pénétration à l'intérieur. Ensuite, est-ce que le pénis, le vagin, l'anus d'une autre personne entre dans ce statut-là? Entre dans ce statut-là. Allah a'lam, non. Car le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « Man massa dhakara », celui qui touche son pénis. Celui qui touche son pénis. Donc le fait de toucher le pénis, le vagin de quelqu'un d'autre, ça n'entre pas là-dedans. Donc la femme qui changerait les couches à son enfant et qui toucherait par sa main le pénis de son bébé garçon, ne voit pas ses ablutions annulées. Donc nous, qu'est-ce qu'on adopte? Le fait de toucher un autre pénis ou un autre vagin n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « Man massa dhakara », celui qui touche son pénis. Son pénis et non pas un pénis. S'il avait dit celui qui touche un pénis, donc le pénis d'autrui entrerait dans la règle. Mais ce n'est pas le cas. Donc on en reste à l'organe de la personne. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, « Walam sumra atin bi shahwa » et le fait de toucher une femme avec plaisir. Et le fait de toucher une femme avec plaisir. Donc ça, c'est annulatoire dans le madhab Hanbali. Sur quoi est-ce que se sont basés donc les savants ayant adopté cette parole-là? Donc sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Nisa, verset 43, et aussi on trouve cette parole dans surat al-Ma'ida, verset 6. أو لمستم النساء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait cité des annulatoires. Tout à l'heure, on avait dit أو جاء أحد منكم من الغائط, ou bien que l'un d'entre vous revient du ra'it. Il dit ensuite أو لمستم النساء. أو لمستم, avec un alif après le lem. أو لمستم, avec un alif après le lem dans la majorité des récitations du Coran. Et dans trois récitations, celle de Kisa, Ikhalef et Hamza, أو لمستم, sans alif après le lem. أو لمستم النساء. أو لمستم, ça indique le rapport donc sexuel. أو لمستم النساء, ou si vous avez fait un rapport donc avec vos femmes. أو لمستم النساء. Donc ce verset là avec le alif après le lem, il indique que le rapport induit qu'il faut se purifier ensuite. Mais la récitation أو لمستم, donc sans le alif après le lem, celle-ci, donc selon certains savants, elle inclut le toucher et aussi le rapport sexuel. Car al-lams dans la langue arabe à la base, le lams dans la langue arabe à la base, c'est le toucher. Et ensuite, on rajoute le sens législatif dans ce verset-là, qui est aussi le rapport sexuel en raison du verset lamstum. En raison du verset lamstum. Donc à raison de ce verset-là, certains ont dit que le simple toucher annule les ablutions, même s'il n'y a pas plaisir. Là, dans le madhhab, il faut qu'il y ait aussi plaisir. Et ça, c'est l'école Shafi'ite. Elle dit, même sans plaisir, tu touches ta femme comme ça, tu poses ta main sur sa main, tu as les ablutions qui sont perdues. Simplement, le fait de poser la main sur n'importe quelle partie du corps de ta femme, tu poses l'index sur sa joue sans plaisir, tu as perdu les ablutions dans le madhab Shafi'i. Mais ici dans le madhab, ils ont conditionné qui est le plaisir, car c'est le plaisir qui est madhinnatul hadath. C'est le plaisir qui est donc un cas où il y a pensée prépondérante qu'il y ait sortie de hadath. Même s'il n'y a pas eu sortie de hadath, on avait dit que la sharia, elle met en lien donc les statuts aux cas qui sont majoritaires, ghalib, et non pas le nadir qui est exceptionnel. Mais Allah a'lam, la vie le plus authentique, ou l'ilmu indallah, du moins qu'on choisit, c'est que le contact donc avec la femme, le contact avec la femme, on ne parle pas du rapport sexuel, le fait de toucher une femme, là on ne parle pas du rapport sexuel. Le fait de toucher une femme de manière totale et absolue, ça n'annule pas les ablutions, même s'il y a plaisir. Quelle est la preuve de cela? C'est quoi la preuve, vous l'avez? C'est qu'il n'y a pas de preuve. Il faut toujours se rappeler de cette règle-là. Là-bas, c'est la tahara. Si tu veux l'annuler, il faut que la personne prétendant l'annulation apporte elle-même les preuves. Donc d'abord concernant le verset, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lui il a interprété le verset lamastum comme étant le rapport sexuel. Donc n'est pas intégré le simple contact dans le verset lamastum. L'imam Tabari le rapporte donc dans son tafsir. Concernant les hadiths, donc dans la sunna, il y a des preuves que le simple contact à la femme n'implique pas l'annulation des ablutions. An Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قبل بعد نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة قلت من هي إلا أنت قال فضحكت روه الخمسة إلا النساء عائشة رضي الله عنها donc dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses épouses puis il sortait à la prière et ne faisait pas ses ablutions. Urwa ibn Zubayr, qui est le neveu de Aisha رضي الله عنها, c'est le fils de Asma, la fille de Abu Bakr. Donc Aïcha est fille de Abu Bakr, Asma est fille aussi de Abu Bakr, c'était sa demi-sœur. Ce n'était pas la sœur de Aïcha de père et de mère, c'était sa demi-sœur. Ils avaient le même père et pas la même mère. Donc Asma est fille de Abu Bakr et aussi Aïcha. Et Urwa ibn Zubayr, c'est le fils de Zubayr ibn al-Awwam, qui est le mari de Asma, qui est elle-même sœur de Aïcha, qui sont toutes deux filles de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Donc qu'est-ce qu'a dit Urwa? Qultu Man hiya illa ant. Il a dit, je suis sûr que c'est toi, cette épouse-là qui se faisait embrasser avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour aller à la prière. Qala fa dahikat, elle a souri, radiyallahu anha. Rapporté par les cinq, sauf An-Nasa'i. Donc de ce hadith-là, qu'est-ce qu'on tire? Que le prophète alayhi salatu wa sallam embrassait donc son épouse, ce qui se fait de manière majoritaire par plaisir. Hein, qui se fait donc de manière majoritaire par plaisir. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wa sallam allait faire sa prière et ne faisait pas ses ablutions. Donc, de ce hadith-là, on écarte la parole qui dit que le simple contact implique l'annulation des ablutions, parce que dans le hadith, il y a eu simple contact, et aussi la parole selon laquelle le contact avec plaisir, comme c'est la parole du madhab, implique aussi l'annulation des ablutions. Pourquoi? Parce que de manière majoritaire, le baiser, il se fait par plaisir. Et le prophète alayhi salatu wa sallam donc embrassait ses épouses et sortait faire sa prière sans refaire ses ablutions. Et la base, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, donc il a le même statut que sa communauté dans la législation. Le prophète alayhi salatu wa sallam, donc il a le même statut que nous dans la législation. Et lorsqu'il y a cas spécifique, il faut que ce soit déterminé par un texte ou bien par un consensus. On ne peut pas dire ça c'est spécifique au prophète alayhi salatu wa sallam comme ça. À chaque fois que ça va à l'inverse de l'avis juridique que l'on adopte, on dit c'est spécifique pour lui. Non, on ne peut pas le dire, sauf si jamais on a vraiment un cas, une parole donc qui vient nous donner cette spécification. Un autre hadith, an Aisha radiyallahu anha, زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح متفق عليه. عائشة رضي الله عنها, l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم, dit je dormais donc devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et mes deux pieds étaient dans sa qibla. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam était en prière la nuit. Aïcha dormait. donc dans leur appartement qui était petit, au point où radiallahu anha elle avait donc ses pieds dans la qibla. فَإِذَا سَجَدَ رَمَزَنِي lorsqu'il se prosternait, donc il me touchait comme ça. فَقَبَّتُ رِجْلَي j'enlevais mes pieds de devant lui pour qu'il puisse poser son front par terre. فَإِذَا قَامَ بَسَطُهَا et lorsqu'il se levait, je retendais mes deux jambes dans sa qibla. قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ et à cette époque, il n'y avait pas encore dans les maisons de lanternes unanimement reconnues authentiques. Donc dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'on tire ? On peut tirer des durus jusqu'à la fin de l'année, pas seulement en lien avec les ablutions. Le premier, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait partie donc de son habitude de se lever la nuit, qu'Allah nous permette. Il se levait la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, radiallahu anha, donc, elle dormait à côté de lui. Elle avait ses pieds dans la qibla. Elle avait ses pieds dans la qibla. Donc le fait que les pieds de la femme soient dans la qibla, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas la prière. Pardon, ça n'annule pas la prière. Donc lorsqu'il se prosternait, alayhi salatu wassalam, il l'a touché, donc et elle enlevait ses pieds. Elle enlevait ses pieds. Donc il l'a touché. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a touché en prière. Si jamais ça annulait les ablutions, il aurait le droit de continuer sa prière? Non, car on ne peut pas prier sans ablution. Donc on tire d'ici que le contact à la femme n'annule pas les ablutions. N'annule pas les ablutions. Et là, ce n'est pas le contact avec plaisir. C'est certain, le prophète alayhi salatu wassalam ne touchait pas ici Aïcha avec plaisir pendant la prière. Mais le dalil, la parole disant qu'il faut conditionner le plaisir dans le contact pour qu'il soit annulatoire, elle demande un dalil ça. Donc ni le contact sans plaisir, ni avec plaisir est annulatoire. Car il n'y a pas de preuve réelle. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Et elle dit il n'y avait pas à cette époque-là de lanterne. Il n'y avait pas encore de lanterne, de lumière dans les maisons. Et on tire de ça, subhanallah. Avec les femmes au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, elles étaient adonnées au but pour lequel elles ont été créées. Et peu importe où elles vivaient, que ce soit dans des maisons étroites, que ce soit dans des maisons luxueuses, qu'il y ait lumière ou pas, ce qui était le plus important, c'était de préparer leur véritable maison, qui est celle de l'au-delà. Et donc on doit prendre en modèle cette femme-là, radiyallahu anha. On m'en revient, inshallah, au hadith d'Aïcha. Qu'est-ce qu'on en tire ? Que le contact à la femme n'annule pas les ablutions. De manière totale. Et ça, c'est la parole des Ahnaf, du Madhab Hanafi. Et la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il a choisi. Rahmatullah Ali. Donc, si quelqu'un touche sa femme, quel que soit le toucher, par le baiser, par la main, peu importe, ça n'annule pas les ablutions. Quant au rapport sexuel, c'est annulatoire. Des grandes ablutions. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi wa riddatu anil islam, et l'apostasie, le fait de sortir de l'islam. Donc le fait de sortir de l'islam, c'est annulatoire des ablutions. Donc c'est annulatoire selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin, sourate az-zumar verset 65. Et nous avons révélé à toi-même ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu fais de l'associationnisme, tes œuvres seront annulées et tu feras certainement partie donc des perdants. Surat Az-Zumar, verset 65. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué qu'après le shirk, qui est donc une forme de ridda, il y a annulation des œuvres. Et al-wudu, la purification, al-wudu, c'est une œuvre donc qui est ici annulée par rapport à ce verset-là. Et donc, qu'est-ce que Ridda ? C'est la sortie de l'islam. Elle a lieu donc par plusieurs choses. La première, par l'i'tiqad, par la croyance. La croyance, c'est donc une chose par laquelle on sort de l'islam. Celui qui a la croyance qu'il y a un deuxième Dieu. Il y a un deuxième ilah. Ça, c'est un mu'taqad. C'est un mu'taqad. Même il ne le dit pas, même il prie, il ne voue jamais de culte à ce deuxième Dieu-là. Il fait ses cinq prières. Et il fait son pèlerinage, tout, et il ne délaisse pas de wajib, d'obligatoire. Et il ne fait pas de haram, en dehors de celui-là qui est un haram, ce mu'taqad-là. Cette personne-là, c'est un apostat. Cette personne-là, elle est mécréante. Celui qui a cette croyance-là. Il écrit un livre, par exemple, dans lequel il marque qu'il y a l'existence d'un deuxième Dieu. Par cette croyance-là, donc que l'on a vu par son écrit, il sort de l'islam. Même si après, ils n'adorent pas ce Dieu-là. Donc, on sort de l'islam par la croyance. On sort de l'islam par la croyance. On peut sortir de l'islam aussi par la parole. Comme insulter Allah, insulter le prophète, alayhi salatu wassalam, insulter le Coran, insulter la religion, de manière générale. Bon, là, je donne des règles générales. Hein. Après ça, ça s'étudie dans Ahkam al-Ridda, dans les règles de l'apostasie. On peut aussi sortir de l'islam par l'acte, comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça fait sortir de l'islam. Même si on ne sait pas que c'est du kufr, même si on ne sait pas que c'est du shirk. Aussi, on sort de l'islam, donc on a dit, par la croyance, la parole, l'acte. Aussi par le doute. Aussi par le doute. Le doute aussi est une forme donc d'apostasie. Douter, par exemple, sur l'existence d'Allah. Quelqu'un dit, bon, on ne sait jamais peut-être qu'il existe et qu'il y a vraiment ce paradis cet enfer, donc je vais faire les cinq prières, le hajj, le jeûne, au cas où. Au cas où, yawm al-qiyama, je me fais attraper, j'irai au paradis. Celui-là, il est kafir aussi. Hein? Il dit, peut-être qu'Allah existe, peut-être qu'il n'existe pas. Celui-là aussi, il est mécréant. Et s'il a cette croyance-là, après avoir été musulman, parce que la ridda, c'est quoi? C'est la sortie après avoir été musulman. Donc, après avoir été un vrai musulman, il adopte cette croyance-là, donc se doute peut-être qu'en fait... Allah n'existe pas, peut-être que Muhammad n'était pas le prophète salam, d'Allah, peut-être que ce n'est pas le dernier prophète, etc. Il sort de l'islam. Il dit ensuite, rahimahullah, 7, wa aklu lahmil ibil. Donc là on arrive au dernier des annulatoires, des ablutions. Wa aklu lahmil ibil, et le fait de manger la viande de chameau. Le fait de manger la viande de chameau. Qu'est-ce qu'on entend par chameau ici? Le chameau, donc qui vit en Asie, et le dromadaire qui vit en Afrique. Là. Donc le chameau a deux bosses et le dromadaire a une bosse. Les deux entrent dans ce mot-là, ibil. Donc ça aussi, ça fait partie de mufradat, donc des avis singuliers, donc spécifiques, privilégiés du madhhab Hanbali. C'est la seule école où le fait de manger la viande de chameau est annulatoire des ablutions. Il a dit « wa aklu lahmil ibil ». Quelle est la preuve de cela? Donc on a le hadith qui a été cité donc par le Cheikh Ibn Qudama dans le Umda. Il dit lima rawa an an-nabi lima ruya an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qila lahu an atawadda min luhum al-ibil. On a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, est-ce qu'on doit faire nos ablutions parce qu'on a mangé donc de la viande de chameau? Qala na'am. Il a dit oui, tawadda'u minha, faites vos ablutions donc à cause de cette viande-là. Qila afanatawadda'u min luhum al-ghanam, est-ce qu'on doit faire donc nos ablutions en raison de la viande de mouton? Qala in shi'ta fatawadda, si tu veux fais tes ablutions. Wa in shi'ta fala tatawadda, et si tu veux ne fais pas tes ablutions. Le hadith il est rapporté par Muslim selon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. On a d'autres hadiths préconisant cela. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها رواه أحمد وأبو داود. Selon البراء بن عازب رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné au sujet des ablutions en raison de la viande de chameau. Il a dit توضأوا منها, faites vos ablutions en raison du fait que vous en ayez mangé. Et il a été questionné au sujet de la viande de mouton. Ne faites pas vos ablutions à cause des rawahu Ahmed ou Abu Daoud. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Donc, le fait de manger lahmul ibil. La viande, lahmul ibil, c'est annulatoire. Le lahm dans la langue arabe. Pour ça que al-haqa'iq, les trois réalité, les trois définitions, il faut les connaître. Législatif, ça c'est la priorité. Le deuxième, al-urf, coutumier, ce qui est reconnu comme tel. Troisième, linguistique. Le lahm, dans la langue arabe, c'est la matière rouge qui se trouve autour de l'os. Ça c'est al-lahm, la viande, dans la langue arabe. Même dans la langue française, tu envoies quelqu'un à la boucherie lui dire « apporte-moi 2 kilos de viande » et te ramène 2 kilos d'intestin. Et t'as amené 2 kilos de viande lui, tu dis « barakallahu fik » non. Hein, s'il te ramène de la langue, il te ramène un poumon et un peu de rate. Il ramène-moi 1 kilo de viande à ton fils et il revient de la boucherie avec ça. Est-ce qu'il a apporté de la viande dans la langue française? Non. Et même dans la langue arabe. Itini bi kilo min lahm. Rapporte-moi 1 kilo de viande. Et il revient donc avec de l'estomac, des intestins, de la cervelle, Est-ce que ça entre dans al-lahm dans la langue arabe? Non. Dans la langue arabe, non. Mais est-ce que ici, ce qui est visé, donc dans le hadith, c'est le sens de la langue arabe, ou bien c'est un sens qui inclut celui de la langue arabe, donc la matière rouge, et en plus tous les restes. Donc les intestins, l'estomac, la rate, le foie, le pancréas, la cervelle, la langue, etc. Il y a divergence à ce niveau-là. L'avis que l'on choisit, Na'am, c'est que ça inclut toutes les parties du chameau. Toutes les parties du chameau. Quelle est la preuve de ça? C'est que le mot lahm, dans le sens législatif, il inclut toutes les parties de l'animal. Et on s'appuie sur le verset d'Al-Ma'idah, verset 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hurrimat alaykumul mayitatu » « Vous a été interdit la bête morte »« Waddamu » et le sang « Walahmul khinzir » et la viande de porc. Et tous les savants sont en accord unanime que toutes les parties du porc sont interdites. Parce que ici, le mot « lahm », Allah subhanahu wa ta'ala, il a indiqué une partie, mais voulant viser tout le corps de l'animal. Donc ici, de même, par lahmul ibil, on vise toutes les parties du chameau. Donc celui qui mange de la langue de chameau a ses ablutions annulées. Celui qui mange des intestins, il a ses ablutions annulées. Celui qui mange du foie, du pancréas, du cœur, du poumon, de la cervelle, il a ses ablutions annulées. Que ce soit cuit ou bien cru. Ensuite, concernant al-maraq, la sauce dans laquelle aurait été cuisinée de la viande de chameau. L'avis le plus authentique, Wallah alam, c'est que c'est annulatoire. Pourquoi? Parce que la viande, la matière va se dissoudre dans la sauce. En revanche, le lait, c'est pas annulatoire, Wallah alam. Tous les hadiths, il y a des hadiths, et ils sont nombreux, disant que le prophète, alayhi salatu wa salam, a ordonné de faire ses ablutions après avoir bu le lait de chamelle. Ça s'indiquait dans de nombreux hadiths, mais tous sont faibles. Tous, ils sont faibles. Et le laban, lahu hukmul munfasil. Le lait, il a le statut de quelque chose qui est dissocié du corps. Et un autre hadith nous indique cela. Vous l'avez ce hadith-là. On a eu le hadith d'Al-Uraniyin, qui était des gens qui venaient d'entrer en islam et qui étaient venus à Médine et qui n'avaient pas supporté les difficultés. Donc de Médine, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur avait ordonné de rejoindre les chameaux de la sadaqa, de l'aumône, et de boire du lait de ces chamelles-là et de l'urine donc de ces chamelles-là. Et il ne leur a pas ordonné de refaire leurs ablutions. Il ne leur a pas ordonné de refaire leurs ablutions. Alors qu'ils viennent juste d'entrer en islam. Et il est certain qu'ils vont faire les prières puisque ça s'est passé à Médine. Puisque ça s'est passé à Médine. Et il n'est pas permis donc de retarder une preuve alors que c'est le moment du besoin. Là, à ce moment-là, ils ont besoin de savoir est-ce que le lait annule les ablutions ou pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas donc reculer cette preuve-là, cet indice-là, cette information-là à plus tard. Car ça va inclure l'annulation de leurs ablutions et donc l'annulation aussi de leurs prières. Donc ça prouve que le lait de chamelle n'annule pas les ablutions. Wallahu a'lam. On finit, incha'Allah, on a bientôt terminé. وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ Il dit, rahimahullah, وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ Et celui qui est sûr donc d'avoir ses ablutions, sa pureté, وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ Et il doute qu'il a émis un hadith. Il est sûr qu'à 9h du matin, il a fait ses ablutions. Là maintenant, c'est 10h. À 10h, il doute, est-ce qu'il a émis un hadith ou pas? Est-ce qu'après 9h, il est allé aux toilettes? Est-ce qu'après 9h, il a mangé de la viande de chameau? Est-ce qu'après 9h, il a fait une sieste? Est-ce qu'après 9h, il a émis un hadith? Donc ici, on a la certitude qu'on avait nos ablutions à 9h. On a désormais un doute qui est venu se greffer à cette certitude-là. On écarte le doute et on garde la certitude. Et on garde la certitude. Donc la personne a ses ablutions. Il ne dit pas « je les refais par précaution ». Il dit aw tayaqqana al-hadatha, ou bien il est sûr du hadath, wa shakka fi at-tahara, et il doute donc des ablutions. Donc à 9h, il est sûr d'être allé aux toilettes et d'avoir donc uriné. Et désormais c'est midi par exemple. Et il doute est-ce qu'il a refait ses ablutions donc depuis 9h après ce hadath là. Il doute est-ce qu'il a refait ses ablutions. Donc là, il est sûr de les avoir perdus à 9h. Et c'est maintenant midi, il se dit, est-ce que je les ai refaits depuis? Il semble, il a des souvenirs, il croit qu'il est rentré avoir fait ses ablutions dans la salle de bain, mais il ne sait pas peut-être que ses ablutions qu'il avait fait pour le Fajr, il ne se rappelle plus trop. Il a un doute comme ça. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, tu gardes donc le statut selon lequel tu n'as pas tes ablutions, parce que la certitude, donc la dernière que tu avais, c'est que tu n'avais pas tes ablutions. Et est venu se greffer le doute selon lequel tu aurais tes ablutions, on écarte le doute selon lequel tu aurais ta purification et on garde la base, donc qui est le fait que tu n'as pas tes ablutions. Donc c'est pour ça qu'il a dit وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ. Celui qui est certain donc de la purification et qui doute sur le hadith, donc sur la perte des ablutions, أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثِ, ou bien qui est sûr du hadith وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ, et qui doute d'avoir fait ses ablutions après ce hadith-là, فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهَا. Il a donc le statut de ceux dont il est sûr. Bon, sur quoi se basent les savants pour émettre ces règles-là? Car tout ce que l'on vient de dire, là, ça se base sur une grande règle de la sharia qui s'appelle « Al-yaqinu la yuzalu bishak ». La certitude ne peut être enlevée par le doute. Et cette grande règle de la sharia, elle se base sur des textes. Elle se base sur des textes. On va en citer un, c'est le délil suivant. Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, donc un compagnon, il a dit « Shukiya ila al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam al-rajulu yajidu fi salati shay'a ayaqta'u salah qala la hatta yasma'a sawtan aw yajida riha muttafaqun alayhi wa lafdu lil Bukhari. » Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, il a dit, donc on a rapporté au prophète alayhi salatu wa sallam le cas d'un homme à qui il semble que quelque chose est sorti pendant la prière, c'est-à-dire il pense qu'il a émis des gaz pendant la prière. Ayaqta'u salah, est-ce qu'il coupe sa prière? Qala la, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, hatta, jusqu'à yasma'a sawtan, qu'il entende un son, ou yajida riha, ou bien qu'il sente une odeur. Le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim, et cette expression là c'est l'expression d'El Bukhari. Je vous avais apporté d'autres expressions, moi, différentes de celle là il y en a plusieurs. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, pour cette personne là qui à la base a les ablutions et qui désormais a un doute, est-ce que j'ai eu une émission de gaz ou pas, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire? De ne pas sortir de la prière et donc d'en rester à la base qui est celle selon laquelle il a ses ablutions et d'évacuer, écarter ce doute-là selon lequel il aurait perdu ses ablutions. Dernier point, c'est celui qui a salas, celui qui a un écoulement de hadith donc continu, celui qui a une sortie de gaz permanente, celui qui a une sortie d'urine permanente, celui qui a une sortie de l'anus permanente. Cette personne-là, donc en raison de la mashaqa, de la difficulté de ce statut-là, ses ablutions ne sont pas annulées par toutes ces sorties-là. Donc cette personne, on lui dit de faire ses ablutions à l'entrée de l'heure de la prière. Après l'entrée du dhuhr, par exemple, pour faire le dhuhr, il fait ses ablutions. Après, il fait sa prière du dhuhr. Même s'il a des sorties de gaz, il a des sorties d'urine parce qu'il a une incontinence, il a des sorties de quoi que ce soit, cette personne-là, il peut lire le Coran, il peut toucher le Coran, il peut le faire des nafilas, il peut faire des prières, etc. Même si ces ablutions-là, en réalité, sont annulées. Mais cette annulation n'est pas prise en compte parce que la difficulté apporte la facilité. Ça, c'est une autre règle de la sharia. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté apporte la facilité. Donc, on ne va pas dire à la personne, tu refais tes ablutions à chaque fois. Si quelqu'un a une incontinence, mais il sait qu'il a une période pendant laquelle ça s'arrête, quelqu'un, il sait qu'il a des émissions de gaz fortes après le repas, par exemple à midi, et il sait que ces émissions de gaz, elles perdurent jusqu'à 16h, et qu'elles s'estompent de 16h à 17h30, par exemple, ou après 16h. Cette personne-là, si elle sait que ses sorties de gaz s'arrêtent à 16h, et que le dhuhr, il se fait à 14h, il n'a pas le droit, pour aller faire la salat en groupe, donc de faire ses ablutions et d'aller prier avec le groupe, sachant qu'à 16h, il a une période pendant laquelle il n'a plus cette sortie permanente qui lui permet de revenir dans un état initial. Donc s'il sait qu'à 16h, il a l'arrêt de sortie permanente de gaz, on lui dit, tu ne fais pas la salat à la mosquée en jama'a et tu es donc obligé de la faire, inshallah, après à 16h, en faisant des ablutions qui ne sont pas suivi par des sorties de gaz. Inch'Allah. Bon, les règles sont nombreuses concernant ce chapitre-là, mais Inch'Allah, on s'arrête là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.